les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Fouiller dans les archives écrites et en retirer son miel, ce peut être dénicher des mémoires inédites, une correspondance éclairante, mais aussi des livres de comptes. Les livres de comptes d'un grand financier et commerçant, en l'occurrence. Et s'immerger dans les affaires de compagnies, de filiales, de contrats d'assurance maritime, de comptoirs. L'émission « La France dans les archives de l'Europe » a pu s'intéresser aux immigrés protestants en Allemagne, après la révocation de l'édit de Nantes, aux annotations de la reine Christine sur les maximes de la Rochefoucauld, à la vie en Avignon, du temps des papes, et donc à un grand financier et commerçant ayant quitté sa ville toscane, natale, Prato, pour Avignon, et qui allait retourner, fortune faite et fortune à multiplier, dans sa ville natale. Voici la deuxième émission consacrée aux archives de Francesco Di Marco Dattini. Un grand marchand en son palais, une émission de Françoise Malétra réalisée par Christine Bernard-Sugy, diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 août 1982. Pour aller, le 8 mars 1376, charger deux navires à Pékin et rester 6 jours, livre 3. Pour aller à Orange, décharger un navire, livre 3, sol 12. Pour aller, le 6 juin 1377, à Pont-Saint-Esprit, à Orange, et ferrer son cheval, livre 1, sol 16. Dépenses de foin et d'avoine pendant un an et demi à Beaucaire, pour un cheval. Livre 1, sol 16. Pour aller le 25 septembre 1377 de Beaucaire à Aigues-Mortes pour charger le sel pendant 8 jours, livre 3, sol 2, denier 8. Dépenses de poulet et de pain à Aigues-Mortes, sol 14. Pour aller le 19 octobre 1377 de Beaucaire à Orange et à Pont-Saint-Esprit pour décharger les navires, livre 2. C'est dans un des plus beaux palais de Prato, situé au cœur de la cité toscane, qu'il nous a été dit hier ce que furent les années d'apprentissage de Francesco Di Marco Dattini, le génial marchand de Prato. On nous a raconté l'enfant pauvre, rendu orphelin par la grande peste, que l'on enverra à Florence, initié au métier de la laine, puis l'adolescent de 15 ans qui choisira de s'expatrier en Avignon, comme le feront nombre de jeunes Italiens de son temps, attiré par le prestige et l'économie florissante de la cité où s'étaient réfugiés les papes. Il nous a été dit comment très vite Francesco Di Marco se fera admettre dans plusieurs compagnies marchandes avant de créer ses propres entreprises et de décider par contrat que l'habileté de ses associés sera reconnue au même titre qu'un capital investi. Comment il réussira à créer aussi un réseau de comptoirs si vaste qui lui permettra de négocier avec les plus grands marchés d'Orient et d'Occident. Commande enfin, en l'année 1380, il épousera une jeune aristocrate florentine, Donna Margherita Bendini, qui lui offrira un blason. Lui, Francesco Dattini, pour elle, bâtira ce palais de Prato, celui où nous allons retrouver aujourd'hui encore Elena Cecchi, professeure à l'Université de Florence, Diana Toccafondi et Henri Ast, qui sont archivistes, et où Francesco Dattini laissera à la fin de sa vie la plus riche collection de documents commerciaux du Moyen-Âge. Mais l'homme que nous avons quitté hier, le jour de ses noces, n'a encore que 47 ans. Il est riche, et parce qu'il se sait désormais plein d'expérience, il va enfin envisager de rentrer en Italie. Il s'informe de l'état des travaux de son palais, négocie l'achat d'un terrain non loin de Florence, où il entend établir sa résidence de campagne, il réunit ses livres de comptes, assure le transfert d'une partie de ses biens et prend congé de ses collaborateurs. Torna nella sua Prato et questa esperienza. Il rentre dans sa ville de Prato et immédiatement il va mettre à l'épreuve l'expérience acquise en Avignon. Il commence par ouvrir une entreprise individuelle à Pise. Pise est le port de la Toscane, c'est la ville la plus proche de Florence, donc de Prato, donc choix stratégique. Il s'entoure d'hommes de valeur, d'hommes compétents, parmi lesquels Stoldo di Lorenzo, qui était déjà à ses côtés à Avignon et l'avait suivi en Italie, et un certain Mano dal Bizzo, qui lui est de Pise, et en qui Datini verra immédiatement un futur patron. Et tout se passe exactement comme il l'avait prévu. En 1392, il transforme son entreprise individuelle en compagnie et en confie la direction à Dal Bizzo, qui devient le spécialiste de la place de Pise. Parallèlement, il fonde à Florence une compagnie marchande et bancaire, cette fois, dont il restera pendant un an l'unique responsable et propriétaire. Mais il résidera à Florence. Oui, mais plus tard, lorsqu'il aura terminé la construction de son palais de Prato, qu'il l'aura embelli de fresques d'objets d'art comme devait l'être à l'époque la résidence d'un riche personnage. Alors seulement, il louera une maison à Florence et y installera définitivement sa compagnie. Pour l'instant, il ouvre un troisième comptoir à Gênes. Gênes qui est aussi une ville portuaire. C'est là surtout qu'affluent les bateaux chargés de marchandises en provenance d'Orient et d'Occident. Un choix qui va entraîner la création d'un comptoir à Barcelone, lequel sera doté à son tour de deux filiales, l'une dans l'île de Majorque, l'autre à Valence. Deux places fortes du commerce avec la Barbarie. Et surtout, deux étapes obligatoires pour les bateaux qui rejoignent la mer du Nord par le détroit de Gibraltar. Le grand projet qu'il avait formé à la fin de son séjour à Avignon est réalisé. Il règne désormais sur un des plus importants réseaux d'échanges en Europe. Les opérations menées pour ces comptoirs et à partir de ces comptoirs s'étendent aux villes du Levant, du Moyen-Orient et de la mer du Nord. Et grâce au registre de comptes qu'il continue de tenir rigoureusement, nous voyons se multiplier en même temps que le volume des affaires, l'assortiment des marchandises, pour une raison en outre extrêmement importante et qui est une des grandes nouveautés de la fin du XIVe siècle, je veux dire la discrimination des prix. Si nous le savons, c'est que les livres de Datini nous donnent des indications précieuses sur le coût des transports. On s'aperçoit que contrairement à ce qui se passait au milieu du siècle, où l'on voit circuler essentiellement des produits de luxe, désormais, en Méditerranée et en mer du Nord, toutes les marchandises circulent. On constate par exemple que le prix de transport des étoffes, en particulier des étoffes de soie ou des perles, est beaucoup plus élevé que pour d'autres marchandises, pourtant de première nécessité comme le sel. Le sel qui voyage parfois pour rien, et la plupart du temps pour éviter que les bateaux ne fassent le trajet à vide. Alors lorsque cet extraordinaire réseau est en place, il faut organiser le fonctionnement des affaires. Et là, Datini va inaugurer dans plusieurs domaines, dans le domaine de la banque, dans le domaine des échanges, et il va rédiger les premiers contrats d'assurance maritime. Une partie des termes de ces contrats sont encore aujourd'hui en vigueur. Il y a dans les archives retrouvées dans son palais un de ces contrats qui est, m'avez-vous dit, le premier contrat au monde d'assurance maritime par Francesco Di Marco Datini. Alors ce contrat est daté du 13 avril 1379. Il a été rédigé à Pise par Boninsegna di Messer Rinuncio Sensale. Ah voilà, c'était donc l'intermédiaire. Dans l'art de la sensérie qui est de mettre en rapport assuré et assureur. Donc, ce sensale Boninsegna di Messer Rinuncio, qui a permis au marchand florentin Baldo Ridolfi, résident donc à Pise, de contracter une assurance de 220 florins Sous 6 balles di merce grosse, pour 6 balles de grosses marchandises, chargées sur la galère de Giulemmo di Vitale, qui allait de Livourne à Marseille, avec un premio, l'assureur prenait 3% sur la marchandise. Oui, il faut savoir qu'au XIVe siècle, le droit canon interdisait que toute prise de pourcentage ne figure dans le règlement des contrats d'échanges commerciaux. Or, l'idée de Datini va consister à camoufler l'opération en transformant ce pourcentage en une taxe destinée à couvrir les risques du transport. Et cette taxe pourra légitimement figurer dans les contrats entre marchands. Une sorte de jeu génial d'écriture, qui naturellement variera en fonction de l'évaluation des risques. Ah oui, ça c'est très intéressant. Là, il y a un autre document que l'on a déjà vu tout à l'heure et je voudrais qu'on le retrouve. C'est le partage des risques qui était organisé. Car il n'était pas question qu'un marchand prenne tous les risques pour lui, on le partageait. Donc, exemplaire de police d'assurance, Pise. 26 janvier 1385, au nom de Dieu, amen. Les assurés sont 13. Lorenzo Ciampolino, Obizzino Sauli, Messer Giusto Di Marino, De Gennes, Francesco Gittalebraccia, Ardingo di Ricci e compagni, etc. Donc tous ces gens participent à l'opération division des risques. Si bien que si le navire coule, personne n'est ruiné. Non. Naturellement. Et puis il y a d'autres risques aussi qui sont prévus, et ça c'est Datini qui l'avait inscrit, je crois. Il y a les risques humains et les risques divins. I rischi umanali e i rischi divinali. Ceci était sur les contrats, mais était aussi précédé de négociations que l'on retrouve dans un certain nombre de lettres, et il met en garde un certain nombre de ses associés contre des assurances qui seraient trop faibles au cas où les dangers seraient plus grands. La correspondance ci fa conoscere. En effet, on trouve dans la correspondance de Datini, lorsqu'il s'adresse à ses associés, la liste des périls que pouvaient courir les bateaux. On lit un peu partout des recommandations de ce genre. Attention, ne chargez rien sur ce bateau, c'est un mauvais bateau. Ou n'envoyez pas tel bateau dans telle région, car il y a sur le trajet des zones infestées de corsaires, etc. En conséquence, les primes d'assurance étaient très différentes d'un itinéraire à un autre. Par exemple, celui qui allait de Pise à Rome, en fait à Ostie, le port de Rome, coûtait très cher parce qu'on savait que derrière Piombino, les bateaux étaient régulièrement attaqués par les pirates. Par contre, les bateaux qui faisaient route vers Bruges, avec escale dans le port de Londres, ne payaient jamais d'assurance. D'abord parce qu'ils étaient armés, c'était des galères. Ensuite parce qu'ils partaient en convoi de 4 à 5 unités, quasiment imprenables. Là, il ne restait que les risques qui pouvaient venir du ciel. Divinali. Voici par exemple un document qui nous dit ce qu'était le chargement d'un bateau qui venait de Romania, c'est-à-dire de tous les pays qui comprenaient la Romanie et la Bulgarie en Europe centrale, et qui est arrivé à Venise. Et alors, ce document faisait partie d'une lettre qui a disparu. Donc, ce que nous avons entre les mains était détaché de cette lettre. Et la liste des marchandises qui est inscrite dessus avait été dressée pour que les Florentins auxquels était adressée cette lettre sachent exactement ce que contenaient ces navires et puissent donc passer commande et que, éventuellement, leurs diverses succursales puissent acheter ces marchandises. Et ce chargement est arrivé à Venise le 2 décembre 1397. On a même le nom du capitaine. Messer Leonardo. La lettera arrivava prima delle galee a destinazione, quindi chi la riceveva poteva già contrattare la vendita di questi beni su piazze del tutto diverse e lontane. Ah oui, il savait ce que contenaient ces galères avant même qu'elles arrivent à leur lieu de destination. La lettre arrivait avant, e bien entendu, ce qui favorisait les affaires, les achats. Quindi naturalmente i beni erano i più disparati, queste qui per esempio contenevano seta, panni, dunque verdi, della soie, dei tissu, ah cera, ecco cera, dalla Romania come abbiamo detto. C'était le commerce avec le Levant, donc des produits orientaux aussi, des épices peut-être aussi, des produits rares. Indaco, qui est le produit qui sert pour tingere i panni. Donc indaco, c'est l'indigo pour teindre les étoffes. Évidemment, ce qui intéressait particulièrement Datini, qui contrôlait le commerce de la laine à Prato. 200 d'oro, quindi de l'or. Seta, grano, pepe. Du blé, du poivre. Ah, ecco, vediamo noci anche, quindi des noix. Siamo di nuovo lacca, è la lacca che arriva dall'Oriente. Oui. Pepe, cannella, incenso. Oui. Des épices, de l'encens, de la cannelle, de l'aloès. Il y a les quantités. 239, une grosse quantité. Une quantité. Ou les marchandises les plus riches en haut de la liste. Et du lac, zucchero. Du sucre. Zucchero. Et tout en bas, qui vaut très très peu cher. Perles. Des perles. C'était les perles qui valaient le moins cher. 239 florins pour le poivre et 2 florins pour les perles. C'est étonnant ça. No, no, questo è il no. Questo è il quantitativo. Ah, oui, in, c'était la quantité. Deux sacs de perles. Deux sacs de perles. Le varie merci sono anche ripartite per il mercato da dove provenivano, perché qui c'è Costantinopoli di merci, Negroponte e un altro. Ah oui, les marchandises sont groupées selon leur lieu de provenance. Constantinople, Trébizonde, Negroponte. Negroponte. Modone. Modone. Et toutes ces galères arrivèrent à Venise. Et les listes se retrouvent aujourd'hui dans les livres de contes de Francesco Di Marco Dattini. Il y a aussi les entreprises à Prato, les entreprises maison, pourrait-on dire. L'une des plus exceptionnelles est certainement l'organisation du commerce de la laine à Prato, qui avait une grande tradition déjà avant Dattini, vraisemblablement, mais que lui va organiser et porter à un point de perfection tout à fait exemplaire. Comment est-ce qu'il va s'y prendre ? Dattini non si ferma a queste sue conquiste. Il faut dire d'abord que cet homme qui contrôle déjà une grande partie des routes maritimes ou terrestres d'Europe et d'Orient n'a nullement l'intention de s'en tenir à ses conquêtes mondiales. Il va commencer par se retirer de la pratique directe, quotidienne des affaires, pour se consacrer à la direction pure de son empire. Il laisse l'administration de ses compagnies à ses associés, lesquels auront donc la charge de rédiger lettres et contrats, d'assurer l'exploitation des marchandises et de tenir ses comptes aussi scrupuleusement qu'il l'aurait fait lui-même. Lui se réserve toute initiative ou négociation pouvant amener à l'accroissement de ses biens. Et il va immédiatement s'y employer, en implantant en effet à Prato une entreprise individuelle spécialisée dans la fabrication de la laine et en choisissant pour le seconder un des meilleurs experts toscans en la matière. Piero di Giunta. Ouvrir une fabrique de ce type n'avait rien en soi de particulièrement original, à Prato surtout, où bien d'autres marchands l'avaient fait avant lui. Mais Dattini va avoir un coup de génie. Il va créer ce qu'on appelle aujourd'hui encore une entreprise disséminée et qui continue d'être parfaitement caractéristique de l'industrie lainière à Prato. Alors comment va-t-il procéder ? Si approvvigionava della lana, la faceva filare nelle. La laine, ce sont bien sûr ses comptoirs qui vont la lui procurer. Elle va arriver dans ses entrepôts et immédiatement être distribuée aux fileuses du comtat de Prato. La laine filée va faire retour à la fabrique pour être redistribuée aux tisserands. Leur travail effectué, ceux-ci l'enverront directement aux gualtieri qui en assureront le lavage, l'étendage et le séchage. La laine qui revient pour la dernière fois à la fabrique est devenue étoffe. On en prélèvera des échantillons qui permettront aux éventuels acheteurs de passer leurs commandes et de recevoir la marchandise dans les plus brefs délais. Avec un tel système, les coûts de production étaient réduits au minimum. Dans l'officine d'abord, 2 ou 3 employés suffisaient aux divers travaux de récupération et de réexpédition de la laine aux différents stades de sa fabrication. Fileuse et tisserand étaient rémunérés à la tâche sans pour autant négliger les travaux des champs auxquels ils se consacraient dans la journée, le filage et le tissage s'effectuant de préférence le soir à la veillée. Ils entretenaient également leur matériel à leurs propres frais. Et si vous entrez aujourd'hui encore dans les fabriques de Prato, vous verrez une dizaine d'hommes ou de femmes occupés à des travaux divers de préparation de la laine ou de redistribution. Rarement, ils vous donneront l'image d'un cycle complet de fabrication. Et ceci, ce sont des échantillons de tissu, rouge, bleu, vert, marron. Au toucher, on dirait du feutre. Sono inviati da Como. C'est une lettre avec échantillon qui arrive à Datigny. Les marchands de Como demandent aux marchands Datigny de fabriquer des tissus de cette façon et uniquement de cette façon. Condition qui leur permettra d'acheter ces tissus à Datigny. Et il fallait que le tissu soit vraiment rigoureusement celui-ci. Verdi sanbucati fini, poi tre celestrini, azzurrini, rosati, scarlattini, e qui c'è appunto la descrizione sia quassù che ripetuta poi qui accanto. L'aggiunta che viene fatta in fondo, questi sono i colori che vogliono che siano fatti praticamente. No? Ceci, ce sont les couleurs que nous exigeons. Ecco. E poi aggiunge in fondo, e perché ve ne fossero di quelli che fossero pure scuri o un poco più chiari che questo saggio, che di quello che ho dato a lui, non si debbono lasciare che così siano d'accordo. Quindi, ah, oui. Oui, et il ajoute que si les tissus arrivent avec des couleurs un peu plus foncées ou un peu plus claires, eh bien il faut que Datigny sache d'avance que ces marchandises ne seront pas acceptées et elles seront renvoyées. C'est ça? Précisément così. Voilà. Ce gros livre que nous avons sous les yeux représente peut-être l'invention la plus originale de Messer Francesco Datigny. C'est le livre du banquier. Ce livre du banquier a valu à Datigny, m'avez-vous dit, un certain nombre de reproches de la part de ses associés ou de son entourage. On était jusqu'à l'accuser de vouloir devenir un usurier, lui qui avait le titre le plus noble du monde, celui de marchand de Prato. Une attività altamente specializzata. Il faut dire qu'être banquier signifiait se livrer à une activité hautement spécialisée. Datigny le sait parfaitement, comme il sait en effet que son initiative n'est pas partagée par ses collaborateurs. C'est sans doute la raison pour laquelle il va faire appel encore une fois à l'homme qu'il estime être le plus compétent en la matière, Domenico Cambioni. C'est Cambioni qui sera chargé en outre de tenir les livres de banque. Celui-ci, par exemple, où déjà on peut voir des comptes courants attribués aux plus grandes familles de Toscane. C'est une invention de la fin de la vie de Datigny, parce que ce livre commence dans les années 97. Donc c'est vraiment vers la fin de sa vie que Datigny a eu l'idée de mettre un peu d'ordre dans les comptes. Et infatti questa sua ambizione, appunto... Sûrement, surtout si vous pensez qu'on retrouve dans ses archives plus de 6000 titres, chèques, lettres de change, mandats envoyés à l'encaissement, escomptes, comptes courants. Qu'il était d'ailleurs le seul marchand en Toscane à posséder une compagnie bancaire et qu'il en assurait le fonctionnement uniquement à partir des bénéfices annuels réalisés par son entreprise marchande de Florence, lesquels s'élevaient à 400 florins en 1397. Et puis la gestion de l'affaire inspira très vite confiance. Aux autres marchands d'abord, qui n'hésitèrent pas à y déposer leurs capitaux, et à ses associés des comptoirs de Barcelone, Majorque, Pise et Gênes, qui finirent par se rallier à sa cause. Peut-on dire que le morceau de papier que je tiens dans la main est un des premiers chèques qui a été émis au monde? Si. Il a été établi par un certain... Comment il s'appelle? Domenico Piacetti. Domenico Piacetti. Et compagni di Firenze. Et associé de Florence. Il quale aveva un conto corrente nella banca Datigny. Ah oui, lequel avait donc un compte courant dans la banque Datigny. Payé par Domenico Piacetto à Luca di Meneto la somme de 15 florins le 28 janvier 1400 en paiement d'un travail de lavage et de séchage de la toile. Luca Di Manetto va à la banque d'Attigny. Luca Di Manetto va donc se rendre à la banque d'Attigny. Il va verser en argent comptant 15 florins d'or et écrire au bas du chèque « Pagato adidetto », payé à ce jour, c'est-à-dire le jour même où il a été émis. Il reste à la banque d'Attigny à enregistrer la sortie de cette somme sur le compte courant de Piacetti. Et nous pénétrons dans la demeure de Francesco Di Marco d'Attigny, ce très beau palais de Prato qui allait être la première réalisation et le premier signe de sa réussite lorsqu'il va rentrer en Italie, riche, fortune faite, 100 000 florins, c'est ce qu'il possède, en l'an 1382. Mais les plans de ce palais, il les avait déjà imaginés alors qu'il était encore à Avignon. Oui, il avait destiné une partie de ses biens, une partie de ses terres, où se trouve maintenant son palais, la maison où il allait faire venir sa famille et aussi entretenir ses affaires. J'ai sous les yeux l'image de ce qu'était ce palais lorsqu'il a été achevé, c'est-à-dire qu'il était recouvert de fresques, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, et que la réalisation de ces fresques a été demandée par d'Attigny à des artistes de tous niveaux, dirons-nous. Les artistes qu'offraient la place de Florence et de Prato à cette époque. Nous étions en pleine époque de transition. Trois peintres qui se sont occupés de la décoration du palais. Le principal, celui auquel on doit toutes les peintures, et particulièrement les peintures de personnages, qui s'appellent Gerini, tandis qu'il y en a deux autres qui se sont occupés de la décoration générale, Agnolo di Taddeo Gaddi et Bartolomeo di Bertozzo, tels que les plafonds qui sont ornés de fleurs de lys sur des fonds de toutes les couleurs. On accusait d'Attigny de ne pas payer les peintres. Il est difficile de le dire. En effet, on trouve une lettre de relance d'un artiste qui demande d'être payé. L'artiste en question est Piero Gerini. Eh bien, si on lit bien la lettre, on s'aperçoit qu'il avait terminé un mois avant son travail. Je ne sais pas s'il a été payé beaucoup plus tard. Mais disons, par cette lettre, on ne peut pas tout de même déduire que d'Attigny avait l'habitude de ne pas payer ses factures. Dès qu'on entre dans ce palais, on est dans le palais d'un homme qui a déjà une sorte de vision de ce que sera le siècle futur. Est-ce que l'on peut essayer de voir comment il avait imaginé la disposition des lieux qui devait certainement être une disposition très rationnelle, peut-être plus encore que fastueuse ou extérieure. On a l'impression, déjà à l'examen des documents que nous avons vus, que tout est fait pour que le fonctionnement de cette maison, que le fonctionnement de la vie, soit réglé d'une manière très précise. Et après, on pense peut-être à décorer ce lieu dans lequel on vit tous les jours. Oui, disons, la maison est divisée en deux parties. La disposition est une disposition tout à fait classique, une cour centrale avec des salles tout autour, une cour centrale où on voit s'ouvrir aussi des balcons. Cette partie-ci, qui donnait exactement sur la cour, était réservée à la famille. Tandis que la partie de l'autre côté de la cour, et qui ne donnait pas sur la rue, mais qui donnait simplement sur des jardins, c'était une partie qui était d'ailleurs à l'origine beaucoup plus basse. Elle n'était composée que par un rez-de-chaussée, tandis qu'ici, il y a une sorte de loggia, on voit des voûtes, on voit des salles au-dessus de ces voûtes, et donc c'est une maison à deux étages. Tandis que de l'autre côté, elle était destinée aux activités, disons, sociales de Francesco Dattini. Alors on trouvait des entrepôts, des magasins, soit pour le grain, soit particulièrement le traitement de la laine. Et puis aussi pour tenir, son bureau. Et autant de fresques dans le lieu de travail que dans le lieu de repos. Est-ce qu'il y a une signification particulière à la fleur de lys que l'on voit partout? L'origine de ces décorations est certainement due à la France. Disons au passage de Charles de Valois, ici à Florence, qui est un peu plus tardif. Mais disons, l'influence de la France a toujours été très, très marquée sur Florence et sur la région toscane. Donc Dattini ne pouvait qu'y souscrire. Nous quittons le rez-de-chaussée pour retourner chez Francesco Di Marco Dattini, vraiment, chez l'homme privé. Les lieux de la société Dattini ont subi d'énormes changements au cours des siècles, puisque une fois que Dattini est mort, cette maison étant devenue ce qu'on appelait la maison des pauvres, la maison où on distribuait la soupe du pauvre, toute la maison a été transformée, et en particulier ici, là vraiment, on a perdu l'origine dattinienne de la maison. Et lorsqu'on quittait les appartements de représentation du rez-de-chaussée, on arrivait par un escalier avec une magnifique porte qui semblait vouloir vraiment séparer les affaires de la partie où l'on vivait de manière peut-être plus intime. Et l'on arrivait dans la chambre des maîtres de maison, dans cette pièce. Donc il reste encore toute la décoration du plafond, qui est dans des teintes bleues, blancs, rouges, tout ceci naturellement avec le passé des siècles, qui a fait de ces couleurs quelque chose de tendre, de doux au regard. Immense chambre. La chambre même de Francesco Di Marco Dattini est cette chambre à côté de cette pièce qui a trois grandes fenêtres qui donnent sur la rue, plus deux autres qui donnent sur une petite rue. Et l'on passe toujours d'une pièce à l'autre par des petites terrasses qui ouvrent sur des cours intérieures et sur le ciel. Est-ce que l'on a dans les archives des documents qui nous renseignent sur le train de maison? de ce palais. Si deve pensare non a una famiglia. Il faut déjà se dire que la famille à l'époque n'était pas telle qu'on l'entend aujourd'hui. Celle qui se limite à la mère, au père et aux enfants. La famille, c'était toute la maisonnée. Parents, enfants, serviteurs, commis, facteurs, tous ceux qui dépendaient de l'entreprise. La maison faisait l'objet d'une comptabilité domestique tenue au jour le jour. C'est dire que les dépenses relevant de l'entretien de la résidence devaient entrer dans la gestion du patrimoine. Nous avons beaucoup de ces livres de maison, où par exemple, toutes les dépenses effectuées pour la nourriture sont notées très régulièrement et dans tous les détails. Pensez à la somme d'informations que nous donnent des documents de ce genre, aussi bien sur la manière dont on se nourrissait au Moyen-Âge, sur le type d'alimentation ou le prix des produits. Alors, ce livre qui date des premières années de l'installation à Prato, lundi 30 octobre 1391, qu'a-t-on mangé à midi ? Des poires et de la viande de mouton pour 5 florins. Du porc, 3 sous, alors de la salade, l'huile. Martedì. Mardi. Mercoledì. Oui. Giovedì. Venerdì. Oui. Sabato. Toute la semaine. Le samedi apparaît une ligne budget, dirons-nous, supplémentaire, qui est l'argent que l'on donne aux pauvres. Certo. Chaque samedi. Il sabato. Le samedi seulement. Qui régnait sur cet empire domestique ? Une femme, sa femme. Sa femme, la Margherita Dattini, era una donna. Une femme, la femme de Francesco Dattini, Donna Margherita. Elle s'était mariée très jeune et très vite elle avait dû prendre les rênes de la maison. Dans la correspondance qu'elle entretient avec son mari, et qui est un phénomène tout à fait exceptionnel au Moyen-Âge, on voit au début l'appréhension et l'inexpérience qui se manifestent chez la jeune femme. Et plus loin, la manière dont peu à peu elle réussit à faire face à tous les problèmes posés par l'organisation d'une maison, qui est celle d'un riche marchand devenu un personnage considérable dans la ville. Mais la vie de cette femme est assez étonnante parce qu'elle était totalement analphabète. Elle va non seulement s'instruire, mais elle va assurer la gestion complète donc des biens de Dattini. Non seulement le train de la maison de Prato, mais également la gestion de la résidence de campagne d'Il Palco et celle des terres également. Si può dire che anche questo penso sia un miracolo del Dattini malgrado. Ah, vous diriez que c'est un miracle de Dattini si. D'avoir fait que sa femme soit arrivée à une telle maîtrise des choses et des biens. Si, perché c'è una bella lettera del Dattini che scrive. Je crois, car c'est Dattini lui-même qui chargera deux de ses collaborateurs d'apprendre à Margherita à lire et à écrire, à tenir ses livres de comptes surtout. Et c'est à ces mêmes collaborateurs que bientôt la jeune femme dictera les lettres qu'elle destine à son mari, dans lesquelles elle lui rend compte scrupuleusement du fonctionnement de la maison et de l'état de ses entreprises. Nous possédons d'ailleurs une très belle lettre que Dattini lui écrit de Florence, où il envisageait de résider quelque temps afin de mettre sur pied sa compagnie bancaire. « Tu as 25 ans, lui dit-il, tu n'es plus une enfant. Il est temps pour toi de laisser l'aiguille et la toile pour te mettre à l'administration de nos biens et à la conduite de la maison. » Il dit « nos biens, notre maison ». Il veut qu'elle sache qu'ils ont tout en commun et qu'elle agisse en conséquence. On trouve peu de références personnelles dans ces lettres, qu'elles émanent d'elle ou de lui. C'est vrai. Parfois, elle se plaint de l'éloignement de son mari, qui lui semble se prolonger trop, et de la situation souvent difficile qui est la sienne devant certaines questions importantes qui lui incombent de régler. En fait, quand ils ont à débattre de problèmes personnels, ils disent toujours, quand nous nous reverrons, nous en parlerons. ce lieu ici, c'était la maison du Datini, appelée en italien palco, che significa una maison dove si deponeva il fieno. Où on entreposait le blé. Le blé, oui, oui, merci. On peut la visiter avec vous? Oui, venez avec moi. Il était en sept lieux, mais a subi beaucoup de transformations. Datini, laissé aux communes du Prato, puis aux frères franciscains de Fiesole, cette maison. Est-ce que l'on sait comment ils vivaient dans cette maison? Quelles étaient les pièces? Ils ne vivaient pas. Ils venaient ici à se reposer. C'était une maison, en italien, on s'appelle un rustico di campagna. Cioè, une maison où nous allons quelquefois, comme maintenant nous faisons le week-end. Donc Datini venait très souvent ou rarement? Je crois très souvent, pourquoi il aimait beaucoup ce lieu solitaire. Et on ne sait pas quelles étaient les pièces qui étaient vraiment de son temps, les pièces d'habitation, et on ne sait pas. L'habitation, non, c'est pas écrit, non, ils ne sont pas de documents. Je crois ici. Et toute la maison était constituée de pièces étroites, comme celle-ci, oui, peut-être. Mais, oui, oui. Une des choses que l'on peut identifier à coup sûr dans cette résidence d'été de Datini, c'est cette petite fresque qui est restée presque intacte et dont on sait qu'elle est authentique parce qu'il y a au palais de la commune de Prato un document qui révèle que cette fresque a été payée 300 florins au peintre. Oui. Qui l'a réalisé, c'est ça? Nous n'avons pas le nom de l'auteur. Vous n'avez pas le nom de l'auteur? Non, non. Mais non, vous non. Connaissez le prix qui a été payé? Le prix, oui, oui, oui. Pourquoi Francesco Di Marco Datini, c'était un commerciante, che trattava molto con la moneta, più che con l'arte. Ah, vous avez compris? Oui, vous voulez, oui, il traitait plus avec l'argent qu'avec l'art. Qu'avec l'arte, oui. Cette résidence de campagne de Datini n'est pas très symbolique du personnage, car si l'on pense que Datini est le précurseur de l'économie moderne, disons, ici il apparaît déjà presque comme un seigneur de la Renaissance. Est-ce que ce n'est pas, en plus, pour Datini, le véritable aboutissement de toute sa vie, de tous ses efforts et de toutes ces expériences? Est-ce que ce n'est pas ce qu'il a souhaité le plus, cette maison, et ce qu'il a chargé de plus de symboles? La possession, diciamo, et c'est certainement ici que le mot possession a le sens le plus concret pour Datini. C'est la conquête de la terre, c'est cette idée de fertilité, du renouvellement naturel d'une source de richesse inépuisable. Et ses livres de comptes le prouvent. Il exige que les semailles, les récoltes, tout ce qui touche à l'exploitation de ses terres soit rigoureusement noté. De même que dans sa correspondance, il ne cesse de parler du désir qui est le sien d'y venir, de l'attente qu'il en a d'y retrouver l'entière maisonnée et des embellissements qu'il projette d'y apporter. Il y a ici deux paysages. Il y a celui qui est devant nous, que nous aurons peut-être beaucoup de mal à décrire parce que c'est sans doute le plus beau, le plus difficile à raconter. Et puis il y a celui qui est derrière nous, et les deux paysages vont très bien à Francesco Di Marco Datini aujourd'hui encore. Derrière nous, c'est la ville de Prato. Et cette ville de Prato, vous la voyez avec ses cheminées. Et vous entendez conserver cette vision des cheminées, parce que pour vous, ces cheminées, c'est Datini. C'est sa cité. Et qu'est-ce que vous voyez que moi, je ne saurais voir ici? C'est ici la carte de visite de Datini, la même aujourd'hui qu'elle était hier. D'un côté, oui, cette campagne toscane, tout en grâce et en douceur. De l'autre, la ville industrieuse, avec en effet les cheminées de ces fabriques où l'on continue de traiter la laine, comme on la traitait au temps de Datigny. Tout lui ressemble, tout nous parle de lui. Les hommes aussi, ils sont les mêmes, avec leur versatilité, leur intelligence, leur esprit d'entreprise et ce goût du savoir dont ils font une affaire strictement personnelle. Datigny a-t-il vécu les dernières années de sa vie? Est-ce que finalement, il n'était pas un homme très seul? Et cette solitude pouvait être pour lui très dommageable. L'ultimo decennio della sua vita, il les a passés en Domilus, aimé, respecté, que la vieillesse prive de plus en plus de ses collaborateurs les plus fidèles et qui se prépare avec sérénité à prendre congé de la vie. Dans un premier temps, il pense léguer la totalité de sa fortune à plusieurs institutions religieuses, puis il refait son testament, et cet homme qui n'avait jamais eu d'enfant légitime décide finalement de laisser tous ses biens à la commune, avec une clause spéciale d'assistance à l'enfance malheureuse, à tous les pauvres du Christ résidant sur le territoire de Prato. Ainsi, le 16 août 1410, meurt en son palais l'homme le plus riche de la ville, Francesco di Marco Datigny, le marchand de Prato, un homme ordinaire. C'était la France dans les archives de l'Europe, à Prato, en Toscane, dans les archives de Francesco di Marco Datigny. Au XIVe siècle, la constitution des premières grandes archives commerciales d'Europe. Un grand marchand en son palais. Avec Elena Cecchi, professeure d'histoire à l'Université de Florence, Diana Toccafondi, Henri Ast, Assuntina Livi. Et les voix de Jean Brassailles et de Suzanne Destra. Une émission de Françoise Malétra, réalisé par Christine Bernard-Sugy, diffusé pour la première fois sur France Culture le 26 août 1982. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.